Sur le campus de Trois-Rivières, c'est le 96.9 Fou de Trouvailles. C'est Fou 89.1. Cette semaine au Mathieu Plancho. Dans Télévision, la Ferrari Testarossa de Miami Vice est en vente sur eBay Motors. Au Québec, on veut donner la calèche de que Caleb offre à sa fille dans l'épisode 10 des Filles de Caleb. Dans segment geek, Célix, une nouvelle laveuse permet deux lessives simultanées. Je peux pas croire qu'ils ont pas encore pensé à un grille-pain qui fait deux toasts en même temps. Et dans Merci Science, vers une pilule pour remplacer le sport. Yes! Le Mathieu Plancho avec Mathieu Plancho commence tout de suite. Et voici celui qui préfère faire ses toasts une à la fois pour qu'elles soient bien chaudes, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Nous sommes encore une fois dans une nouvelle case horaire en direct les mercredis de 13h à 15h. Oui, nouveau jour, même heure, mais toujours autant de geekerie. Aujourd'hui, à l'émission, la chronique télévisuelle Television, le segment Geek CLX, c'est un fait Tech Edition et la chronique de science, technologie et médecine. Merci, science. On va continuer aussi notre série musicale DKC Mixed Ape 94 sur la musique de la série Donkey Kong Country. Mais pour commencer, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo, encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Au début de l'émission, on a commencé avec Pixel Panic. Et la pièce Self Assure, c'est du surf emo chiptune. Maintenant, on continue avec une pièce qui nous vient d'un groupe qui est sur le palmarès anglophone de C'est Fou. Vous les connaissez si vous écoutez les palmarès C'est Fou, qui est juste après le Mathieu Plante Show, les mercredis entre 15h et 18h. C'est la formation Century Palm. Donc, on va entendre une pièce qui se nomme White Light Cover, faite sur une Nintendo 3DS en utilisant l'application Korg M01D, disponible sur la boutique électronique eShop de la Nintendo 3DS. Donc tout de suite, White Light, c'est par Uncle Baby au 89 FM. C'est le Mathieu Plante Show. C'était Uncle Baby, un cover d'une pièce de Century Palm, White Light. Si vous voulez entendre l'original, ça sonnait comme ça. Ouais! Groupe de Toronto, Century Palm, qu'on retrouve sur les palmarès, c'est fou en ce moment, avec la pièce de To The Ether. Peut-être que le prochain extrait sera White Light. Qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Mais Uncle Baby, qui a repris cette chanson de Century Palm, son frère à Uncle Baby est un des batteurs de Century Palm, donc c'est pour ça qu'il a eu envie de faire un cover de cette pièce-là. Génial! Ça nous amène, tout ça, à parler de télévision. Voici Television. C'est C'est Télévision, Télévision, la chronique dans laquelle on parle de télévision. Bien sûr, on commence par le Québec, ensuite le Canada, anglais, les États-Unis, le reste du monde et finalement Internet. C'est ce qu'on fait, c'est l'ordre qu'on a choisi de faire. La seule nouvelle qui, moi, m'intéresse en ce moment au Québec, c'est la nouvelle de Série Plus qui va diffuser deux productions originales québécoises. Donc, je voulais attirer votre regard vers ça. Série Plus qui va proposer deux productions originales cet hiver et ce printemps. Donc, en mars, Série Plus va diffuser Le Berceau des Anges, série réalisée par Ricardo Trogier et mettant en vedette Marianne Fortier, Sébastien Delorme, Gildor Roy, Isabelle Blais ainsi qu'Ève Duranceau. Il s'agit de l'adaptation d'événements réels survenus dans les années 50 au Québec, alors que plus de 1000 nouveaux-nés illégitimes ont été vendus au marché noir à de riches Américains. 5 épisodes d'une heure seront proposés à Série Plus. Ça, c'est en mars. En avril, Mon ex à moi, une comédie dramatique portée par Sophie Desmarais, qu'on connaît pour Yamaska, Sarah préfère la course, Le démantèlement. L'univers d'Amélie s'effondre quand son copain la plaque, mais elle n'a pas dit son dernier mot et veut reconquérir son homme. La distribution comprend aussi Jean-François Nadeau, Isabelle Vincent, Daniel Parent, Maxime Leflaguet, Diane Lavallée, Alain Zouvi et Sébastien Huberdeau. 16 demi-heures en avril, la Série Plus. Cet hiver, Série Plus misera aussi sur deux nouveautés, Mousquetaires et Crossing Lines, en plus de diffuser de nouveaux épisodes de Hawaii 5.0, Scandale élémentaire et La loi et l'ordre crime sexuel. Donc, c'est une station, bien sûr, une chaîne à surveiller. Maintenant, on va aux États-Unis. Déjà, pas trop de Québec, pas tellement de Canada non plus. L'acteur américain Donald Glover, connu pour sa participation à Community, sera la vedette de la comédie Atlanta, une série en préparation pour la chaîne FX. Donald Glover campera Earn, un jeune qui a abandonné ses études au lycée. Lorsque son cousin, qu'il a perdu de vue, devient soudainement une star du rap, il décide de renouer avec sa passion pour ce style de musique. La comédie fera écho à la récente escapade musicale de l'artiste qui a sorti en 2013 un album de rap Because the Internet sous le pseudonyme de Childish Gambino. Il est d'ailleurs nommé à deux reprises au prochain Grammy Awards du 8 février. Pour Atlanta, Donald Glover ne se contentera pas d'apparaître uniquement devant la caméra. Également producteur, il participera à l'élaboration du scénario comme il l'a fait pendant plusieurs années pour la comédie de NBC 30 Rock. Maintenant, George Clooney, l'acteur américain et l'initiateur d'une série qui plantera son décor à Hollywood dans les années 90, selon le site Vulture. Le réalisateur Bennett Miller et le scénariste Peter Tolan lui prêtent main forte. Clooney a décidé d'explorer un univers qui lui est particulièrement familier, celui du petit monde du cinéma. Ce sera une comédie sombre qui évoque le business d'un studio de cinéma. Pour coucher sur papier son idée, l'acteur s'est tourné vers Peter Tolan, scénariste de Analyse-moi ça et de sa suite. L'épisode pilote, s'il y en a un, sera mis en scène par Bennett Miller, réalisateur de Truman Capote, le stratège et de Foxcatcher. Sur ce projet, George Clooney occupe le poste de producteur. Sony Pictures TV, avec qui sa société de production Smokehouse Pictures est sous contrat depuis l'été dernier, commence à démarcher les chaînes de télévision. Selon Vulture, le studio aurait déjà rencontré des chaînes câblées ainsi qu'un service de streaming. Est-ce que c'est Netflix? Est-ce que c'est Amazon? Est-ce que c'est Hulu? On ne sait pas. Ce n'est pas la première fois que la star hollywoodienne appose son nom à côté d'une série télévisée en tant que producteur. L'homme avait déjà participé aux côtés de Steven Soderbergh à Unscripted sur HBO en 2005. Pour TNT, l'Américain avait aussi produit en 2010 et 2011 Memphis Beat. Maintenant, une série que bien des gens aiment. Vous savez déjà que Walking Dead va avoir une série dérivée, mais on a quelques détails de plus. L'invasion de zombies ne se déroule pas qu'à Atlanta, en Géorgie, toile de fond de la série originale de Walking Dead. Les habitants de la côte ouest doivent aussi se battre pour leur survie. Los Angeles a en effet été choisi comme décor du dérivé de Walking Dead développé sous le titre de Cobalt. En plus de suivre la pandémie dans une autre région des États-Unis, il reviendra à ses origines, qui est un sujet qui n'était pas abordé dans la série originale Walking Dead. Créateur des bandes dessinées Walking Dead, Robert Kirkman participera au développement de la série aux côtés des producteurs originaux Gil Ann Hurd et David Alpert. David Erickson, qui se charge du scénario, en deviendra le grand Manitou. L'épisode pilote se tournera début 2015, donc bientôt, avec Cliff Curtis dans le premier rôle. L'acteur néo-zélandais, vu dans Gang Related, une série à très peu de succès sur Fox récemment, incarnera Sean Cabrera, un homme bon et droit, récemment divorcé d'Andrea, avec qui il a eu un fils. Les détails sur les autres rôles sont dans l'article sur assemblagerequis.com. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire des séquestrés de Cleveland. Il va y avoir quelque chose à ce sujet-là à la télé. Pam Grier, l'actrice de Jackie Brown, participera à Cleveland Abduction, un téléfilm qui reviendra sur la triste histoire de trois jeunes femmes kidnappées et séquestrées pendant plus de 10 ans. L'affaire avait fait du bruit en 2013 lorsque Michelle Knight, Amanda Berry et Gina DeJesus étaient parvenus à s'enfuir de chez Ariel Castro, homme qui les a séquestrés chez lui à Cleveland, torturé et violé pendant 11 ans. Première victime de cet homme, Michelle Knight sera incarnée à l'écran par Taryn Manning, actrice connue pour son rôle de Tiffany dans Orange is the New Black sur Netflix. Elle prêtera ses traits à cette mère célibataire âgée de seulement 21 ans au moment des faits. Samantha Drake et Katie Sarif interpréteront les deux autres filles, Amanda et Gina. Âgées de 17 ans lors de son enlèvement, la première a donné naissance pendant sa captivité à une petite fille née d'un viol de Castro. Pam Grier se joindra à la distribution dans la peau de l'infirmière Carla, tandis que Raymond Cruz sera Ariel Castro, leur bourreau condamné à 1000 ans de prison. Il a été retrouvé mort dans sa cellule en septembre 2013. Le téléfilm va être diffusé sur la chaîne Lifetime, qui est spécialiste des drames biographiques télévisés. Si vous regardez V l'après-midi, vous avez vu la discographie complète, la filmographie complète de Lifetime, parce que c'est à peu près ça qui joue tous les après-midi. Le retour de Sarah Jessica Parker sur HBO. 10 ans après la fin de Sex à New York, Sex in the City, l'actrice célèbre pour son rôle de Carrie Bradshaw pourrait revenir sur HBO pour une nouvelle série. Si le pilote de Divorce n'a pas encore reçu le feu vert de la part de la chaîne américaine, ça va venir, Sarah Jessica Parker, il tient le premier rôle. En cas d'aval, l'actrice produira également la série dans laquelle une femme influencée par ses amis décide de divorcer. Alors qu'elle hésite, son mari découvre qu'elle a une liaison et prend les devants. Aucun autre nom n'a encore été annoncé à la distribution de cette série, dont chaque épisode devrait durer une demi-heure. C'est ce à quoi Sarah Jessica Parker est habituée. David Schwimmer, Ross dans Friends, incarnera Robert Kardashian dans la mini-série American Crime Story The People vs. O.J. Simpson qui va être diffusée sur la chaîne FX. Robert Kardashian, le père de la célèbre Kim, était l'avocat et le confident de O.J. Simpson pendant son procès en 1994, au cours duquel il a été accusé du meurtre de son ex-femme et de son compagnon. David Schwimmer jouera aux côtés de Cuba Gooding Jr. et de Sarah Paulson, qui camperont respectivement l'ancien joueur professionnel de football et la procureure Marcia Clark. Quand même, Cuba Gooding Jr. qui va jouer O.J. Simpson. Cuba Gooding Jr. de Jerry Maguire. Faut le faire quand même. FX a commandé à Ryan Murphy 10 épisodes de The People vs. O.J. Simpson, qui est la première saison de la nouvelle série American Crime Story, qui est sur le même modèle que American Horror Story, mais qui va s'intéresser à un grand fait divers à la place de l'horreur. Ah, c'est clair tout ça. Vous connaissez peut-être Judd Apatow pour ses nombreux films. Il devient scénariste pour Les Simpsons. Un épisode écrit par le roi de la comédie américaine sera diffusé sur Fox le dimanche 11 janvier. Donc, dimanche qui s'en vient. Intitulé Bart's New Friend, il tournera autour d'Homer et de son fils, devenus les meilleurs amis du monde, à la suite d'une séance d'hypnose. Ce 563e épisode des Simpsons et 11e de la saison 26 aura une saveur particulière parce que Bart's New Friend a été écrit par Judd Apatow, réalisateur des comédies 40 ans et encore Puceau et un autre paquet d'affaires comme ça. Sauf que, il l'a pas écrit là, non? Il l'a écrit à l'âge de 22 ans. Le cinéaste était alors auteur de sketch. Il n'avait que 22 ans et était l'un des premiers fans de la série d'animation qui venait tout juste d'être lancée sur la Fox en 89, je crois. 88-89. Son épisode était jusqu'ici resté sans réponse, mais l'année dernière, soit près de 25 ans plus tard, Judd Apatow a reçu un appel de Al Jean, le producteur, lui annonçant la réalisation de ce fameux épisode Bart's New Friend. Homer va agir comme un enfant de 10 ans à la suite d'une séance d'hypnose, comme on a dit, et va refuser de lever le sort afin de fuir ses responsabilités d'adulte. Donc, Judd Apatow, créateur de films et probablement inspiration pour le titre de Zumbadawa Piff Piff dans les appendices. On parle maintenant de la nouvelle qu'on a mentionnée en introduction de l'émission. La célèbre Ferrari Testarossa, utilisée dans la série télé Miami Vice, a fait surface sur eBay Motors. On demande 1 750 000 $. C'est livré avec des certificats d'authenticité. Voilà. Donc, le site d'enchères en ligne eBay Inc. a une nouvelle addition à sa liste de voitures à vendre. Si vous êtes un passionné de Ferrari et que vous étiez aussi un fervent adepte de la série télé à succès des années 80 Miami Vice, vous pouvez maintenant posséder l'emblématique Ferrari Testarossa 1986 conduite par Don Johnson lui-même pour la somme de 1 750 000. La Ferrari qui est située en Floride a été conduite par l'acteur qui a joué le rôle du détective James Sonny Crockett dans Miami Vice. La voiture est actuellement inscrite sur eBay Motors. Elle est suivie par plus de 1100 utilisateurs. Ça, c'était en date de l'article. La Ferrari blanche est apparemment en parfait état et est livrée avec certificat pour prouver l'authenticité de la voiture comme étant celle utilisée dans l'émission de télé. Ça a atteint seulement 16 000 milles sur l'odomètre, cette voiture-là. Elle attendait dans un garage de Miami. Et lorsque le propriétaire actuel l'a achetée pour 750 000 $ il y a 3 ans, ben, elle était encore en bon état. Le prix initial pour la voiture à haute vitesse était de 89 000 $ en 1984, mais la valeur ajoutée de celle-ci comme étant la voiture de Miami Vice a fait grimper son prix. Le propriétaire actuel de la voiture a affirmé qu'il a jusqu'ici refusé des offres de plus d'un million de $, mais il pense que c'est le bon moment pour vendre la voiture maintenant. La Testarossa, ça aurait été sûrement un bon moment quand ils ont fait le... Ils n'ont pas fait un remake de Miami Vice au cinéma, oui. Ça aurait été là le bon moment, mais bon. Donc, le Testarossa qui a été présenté au Salon de l'Auto de Paris en 1984 possède un moteur de 4,9 litres V12 qui développe 390 petits chevaux et peut atteindre une vitesse supérieure à 180 000 à l'heure. Le listing, comme on appelle l'annonce, est sur eBay Motors en ce moment même. Je suis allé voir tantôt, c'est encore là, encore achetable, toujours pour 1 750 000, avec un paiement immédiat de 500 $ américains pour vraiment assurer que vous voulez vraiment l'acheter. Maintenant, on parle d'information avec la chaîne d'info I24 News qui vise les États-Unis et la Grande-Bretagne. La chaîne d'information internationale I24 News, basée en Israël et créée par l'homme d'affaires franco-israélien Patrick Drahi, patron du groupe de télécommunications Altice, souhaite émettre en espagnol et se lancer prochainement en Grande-Bretagne et aux États-Unis, a indiqué son PDG Franck Meloui. Créé et financé par Patrick Drahi, qui en France a renfloué le quotidien Libération et s'intéresse à l'hebdomadaire L'Express, I24 News est diffusé actuellement en français, en arabe, en anglais. Mais se voulant une alternative à Al Jazeera, la chaîne de télévision I24 News compte 250 salariés, dont 150 journalistes, au budget annuel de 50 millions d'euros. La chaîne touche potentiellement 1 milliard de foyers grâce au satellite, est aussi disponible gratuitement sur Internet. En France, elle figure dans un bouquet de bases de tous les opérateurs. Ils ont lancé cette semaine une campagne d'affichage choc pour défendre la diversité des points de vue. Ça mélange sur la même image une religieuse catholique et une femme voilée, ou encore le président américain Barack Obama et son homologue iranien Hassan Rouhani. Voilà. Donc, I24 News qui consacre environ 70% de son contenu à l'actualité internationale et 30% aux informations au Proche-Orient. On va en Chine maintenant. Un feuilleton télévisé à grand spectacle chinois est de retour sur les écrans après avoir été suspendu et modifié. Les censeurs estiment que les poitrines des actrices étaient trop apparentes sous leur costume. Dans la version éditée de la superproduction retraçant la vie de l'impératrice Wu Zetian à la fin du 7e siècle, n'apparaît plus que le visage recadré des héroïnes sans leur buste, a précisé l'agence de presse Chine Nouvelle. Cette grande fresque historique sur la seule impératrice de toute l'histoire de la Chine, qui est jouée par la vedette internationale Fan Bingbing, a commencé à être diffusée le 21 décembre sur la chaîne de télévision satellitaire Hunan TV. Une semaine après, la diffusion de l'impératrice de Chine avait été brutalement interrompue. Les producteurs mettaient en avant des raisons techniques. Furieux, les internautes n'ont pas mis longtemps à effectuer un rapprochement avec les bustes pigeonnants et les courbes sensuelles des actrices pourtant habillées en costumes d'époque. La toute puissante administration d'État de la presse, de l'édition, de la radio, du cinéma et de la télévision a de son côté refusé d'expliquer les raisons du retrait abrupt de la série télé. Mais le retour du feuilleton avec ses héroïnes recadrées en format gros plan a montré que la thèse des internautes était la bonne. Évidemment, on sait que les règles de la censure en Chine sont opaques et jamais justifiée. La censure est parfois politique pour des œuvres considérées comme néfastes à la stabilité de la société ou véhiculant des messages jugés contraires aux intérêts du parti unique, mais elle s'étend aussi sur le terrain de la morale. D'autres détails sur assemblagerequis.com dans l'article qui vient de... Ouais, c'est ça, d'Internet. Je dis pas toujours mes sources, puis quand je veux les dire, je veux pas les dire. Le Chapoté débarque sur Netflix maintenant. Héros de la saga Shrek, le félin amateur de lait, arrivera seul sur la plateforme digitale numérique le 16 janvier prochain, avec une série à sa gloire nommée Les Aventures du Chapoté. Avec une histoire originale, qui est la suivante. Après avoir rompu accidentellement le sort magique qui protège la ville cachée de San Lorenzo, il devra tenir éloigné les envahisseurs qui tenteront de pénétrer dans l'enceinte de la cité. Apparu dans Shrek à partir du deuxième volet, ce protagoniste a déjà volé de ses propres ailes au cinéma. C'est dans une pré-suite, une préquelle, une pruite, comme j'appelle, sortie en 2011. Dans la série pour Netflix, par contre, également chapeautée par les studios de DreamWorks Animation, le chapeauté ne sera pas doublé par Antonio Banderas, comme c'était le cas au cinéma. Mêlant action et humour, ces aventures débuteront le 16 janvier, comme j'ai dit, avec 5 épisodes disponibles en France, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Angleterre, en Irlande, en Scandinavie et au Benelux. D'autres histoires arriveront au cours de l'année 2015 dans les pays concernés. Ce sera sûrement pas Antonio Banderas, mais je pense que ça va être quelqu'un qui l'imite. Maintenant, parlons de piratage. Le Trône de Fer est toujours au sommet. Pour la troisième année consécutive, l'épopée héroïque fantastique de HBO, Le Trône de Fer, remporte le titre de la série la plus illégalement téléchargée à travers le monde, devant The Walking Dead et The Big Bang Theory. Sur les estimations du site spécialisé torrentfreak.com, chaque épisode du Trône de Fer diffusé en 2014 se serait en moyenne fait pirater 8,1 millions de fois. Et ça n'englobe pas les sites de streaming illégal, c'est seulement les téléchargements illégaux. L'an passé, la série comptait 5,9 millions de téléchargements illégaux par épisode. On est monté donc à 8,1. Deuxième dans le classement de Walking Dead, qui totalise 4,8 millions contre 3,6 l'an passé. Comédie la plus regardée aux États-Unis à la télé, c'est The Big Bang Theory, qui compte 3,9 millions de téléchargements, soit 500 000 de plus en un an. Donc ça, c'est la troisième place. How I Met Your Mother a également connu un piratage intensif, étant donné que ça s'est terminé, tout le monde s'est garoché sur le reste de la série. Une moyenne de 3,5 millions de clics suit Gotham, l'unique nouveauté de la saison à rentrer dans le classement grâce à 3,2 millions de téléchargements non autorisés. Arrow passe de la 10e à la 6e place avec 2,9 millions de piratages par épisode. Suivent Dr. Grey, Leçon d'anatomie à 2,8 millions, Vikings à 2,7, Suits à 2,5 millions et South Park à 2,4 millions. À l'occasion d'une entrevue accordée à un site britannique, Cliff Edwards, responsable de la communication de Netflix, a balayé en une phrase tout espoir de voir arriver un jour un mode hors ligne sur le service de vidéo sur demande. « Ça n'arrivera jamais », c'est la citation. Les utilisateurs de Netflix qui attendaient un mode hors ligne au sein du service, comme le propose depuis quelques mois son concurrent français Canal Play, peuvent vraisemblablement abandonner cet espoir. Interrogé par TechRadar, le responsable de la communication de Netflix, Cliff Edwards, a été plutôt catégorique. Mais la position n'est pas nouvelle. En septembre, lors de l'arrivée de la plateforme en France, Joris Evers, vice-président en charge de la communication européenne, avait donné son point de vue, je cite, « Nous n'avons aucun projet en vue concernant un tel mode. Nous pensons vraiment que l'avenir est en ligne et non pas hors ligne. Le Wi-Fi est de plus en plus répandu, même dans les avions, donc les possibilités d'utiliser Netflix sont très nombreuses aujourd'hui. » C'est un peu la même chose que Cliff Edwards dit. Donc, un service hors ligne au sein de Netflix serait, je cite, « une solution à court terme pour un problème plus important, à savoir l'absence d'accès Wi-Fi dans de trop nombreux lieux. » En somme, Netflix part du principe que l'accès à Internet va continuer de se démocratiser et que les bornes Wi-Fi permettent déjà de profiter de la plateforme de façon confortable, de même que les connexions 3G et 4G, à condition d'avoir un bon forfait. Ben, c'est justement ça l'idée. C'est justement... Comprenez-vous pas? C'est ça l'idée. Les forfaits téléphones sont beaucoup trop chers dans certains pays, dont le nôtre, pour pouvoir regarder du Netflix sur un téléphone cellulaire. Sérieusement, ça se fait pas, non? Bref, j'aimerais pouvoir être à la maison avec mon gros forfait de bande passante, télécharger mes émissions de Netflix, une saison complète, si je le veux, de façon légale, c'est ce qu'on veut. On aimerait, peut-être pas tous, mais on aimerait tous être le plus légal possible dans la plupart des domaines. Et après ça, aller sur ton téléphone puis le regarder. C'est juste logique, mais bon. Ça arrivera pas. Fait que peut-être un jour, peut-être pas. Maintenant, complétons le bloc Télévision avec les codes d'écoute pour la semaine du 8 au 14 décembre 2014. Commençons par le Québec, bien sûr. Donc, en rafale, les positions 15 à 6. Histoire vraie, La Petite Vie, Vlog, Downton Abbey, TVA Nouvelle, les Morissette en coulisses, L'Auberge Chien Noir, Le Tricheur, tout le monde en parle, Meilleur Moment, et Obsession des Québécois, La Technologie. Je te dirais qu'il y a beaucoup trop de titres que je suis pas habitué de voir là-dedans, fait que mon rafale, tout est plus rapide. Cinquième place, le hockey des Canadiens. De la LNH, donc en quatrième, En Direct de l'Univers, en troisième, La Poule aux œufs d'or, en deuxième, Ce Soir, Tout est permis, en première place, Les Enfants de la télé spéciale Téléroman avec 1 386 000. Je suis surpris de voir l'émission de V dans le top 15, bizarre. Ensuite, du côté du Canada anglais, 15 à 6 en Espérons-le rafale, Victoria's Secret, Once Upon a Time, Arrow, Two and a Half Men, Bones, Les Nouvelles de CTV, Blue Bloods, The Amazing Race et Survivor San Juan, finalement Castle en 6e place, en 5e c'est CSI, 4e Criminal Minds, 3e Agents of S.H.I.E.L.D., en 2e The Flash et en 1ère c'est The Big Bang Theory, comme toujours avec 4 257 000 téléspectateurs. Voilà pour Television, c'est-il pas merveilleux? Allez voir les liens sur assemblagerequis.com. Dans quelques instants, on va faire Merci Science avec, entre autres, la pilule pour peut-être remplacer le sport. Hein? C'est le fun, ça? Et tiens, un revêtement coloré ultra léger et ultra fin. Eh ben, et une solution pour déneiger, une solution verte pour faire fondre les glaces. On parle bien sûr de science derrière tout ça. Mais avant ça, on s'en va entendre quelque chose de vraiment bon. C'est Family Jewels de 7X qui nous donne un petit remix à la guitare, le super metal, de la chanson thème de Puzzle Swap sur la Nintendo 3DS. C'est une chanson d'habitude très très calme. Et lui nous la refait version métal. Ça va être super intense au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Puzzles 7X, c'est une version métal guitare de Puzzle Swap sur la 3DS. On prend une petite pause et justement, on va vous mettre en attente avec la version originale de Puzzle Swap et on se retrouve juste après. C'est en plein mon champ, Jetline par Solar Loon. Génial. Téléchargez ça gratuitement sur sa page SoundCloud en passant sur assemblagerockey.com. Maintenant, c'est Merci, science. Merci, science. C'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. On commence avec une nouvelle que moi, en tout cas, je suis bien content d'entendre. C'est les chercheurs du Harvard Stem Cell Institute qui ont réussi à transformer des graisses blanches en graisses brunes. Ces tissus adipeux qui brûlent les calories au lieu de les stocker, ce qui pourrait permettre de faciliter la gestion du surpoids sans forcément recourir au sport. Grâce à l'utilisation de cellules souches humaines, les chercheurs du Harvard Stem Cell Institute ont généré une technique permettant de passer en revue les composés capables de concourir à la transformation des graisses blanches en graisses brunes. Ils ont déjà réussi à identifier deux de ces composés. Même s'il est encore trop tôt pour évoquer l'arrivée d'une pilule permettant de remplacer le sport, et ça, c'est pas ce qui va empêcher les médias de mettre ça dans leur grand titre quand même, cette découverte exposée dans un article de la revue Nature Cell Biology marque une étape importante dans la lutte contre l'obésité. On sait depuis longtemps que les cellules adipeuses peuvent être transformées. Par exemple, une étude de l'Université de Montréal menée sur des souris a identifié un acide rétinoïque dérivé de la vitamine A qui est capable de transformer les mauvaises graisses en graisses brunes chez les rongeurs. Mais l'équipe de Harvard explique que sa découverte est plus significative. On est meilleur que Montréal, c'est ce qu'il veut dire, hein? Je cite ici, ce qui nous a le plus impressionné, c'est que certains composés produisent le même genre d'effet lorsqu'on les administre à des animaux, mais lorsqu'on les retire, leur effet s'en va aussi. Mais nous avons assisté à une conversion stable. Disent-ils. Cependant, on tient à préciser qu'on ne connaît pas les effets au long cours sur le métabolisme et le système immunitaire, même si on trouve en fait que le succès de ces deux composés est encourageant. Les graisses brunes sont considérées comme bénéfiques, contrairement aux blanches, car elles peuvent générer de la chaleur, donc de l'énergie, en oxydant les acides gras. Pour déclencher ce processus de combustion, le sujet n'est pas obligé de faire de l'exercice. Les chercheurs pensent que les différences de proportion de graisse brune chez les individus pourraient expliquer pourquoi certaines personnes peuvent manger plus que d'autres sans pour autant perdre du poids ni faire du sport. Sans prendre du poids, bien sûr. On avait compris, mais sans prendre du poids ni faire du sport. Une recherche portant sur 2700 femmes conclut que celles qui cuisinent longtemps présentent plus de risques de maladies cardiovasculaires. Une étude à consommer avec modération, nous dit Futura Science. On pourrait penser qu'il est préférable pour la santé de passer du temps à préparer de bons petits plats, mais le temps consacré à la cuisine est-il un gage d'une alimentation saine? Depuis les années 60, le temps passé à cuisiner aux États-Unis a bien diminué et dans le même temps, l'obésité s'est accrue. D'où l'idée d'établir un lien entre ces deux phénomènes. L'obésité conduit à différents problèmes de santé et participe au risque de développer un syndrome métabolique. Celui-ci décrit une situation médicale dans laquelle une personne possède au moins trois facteurs de risque de maladie cardiaque, parmi ceux-ci l'obésité, le niveau élevé de graisse dans le sang, le cholestérol, l'hypertension et glucose sanguin anormale. Pour s'épargner le syndrome métabolique, il est généralement conseillé de manger sainement et donc d'éviter les plats cuisinés trop gras et énergétiques ou la restauration rapide. Dans cette étude de Prevention Medicine, les chercheurs ont voulu savoir si le temps passé à préparer des repas était lié aux facteurs de risque cardio-métaboliques. Pour ça, ils ont analysé 14 années de données provenant de 2755 femmes âgées de 42 à 52 ans qui faisaient partie de la Study of Women's Health Across the Nation, donc la SWAN. Les femmes étaient suivies sur 7 sites différents aux États-Unis. Résultat, le risque de syndrome métabolique augmente chez celles qui passent le plus de temps à préparer les repas, de quoi en décourager plus d'une de se mettre au fourneau. Plus précisément, les chercheurs ont trouvé des associations entre le temps de préparation des repas et les facteurs de risque suivants. Hypertension, problème de glucose à jeun, taux élevé de triglycérides dans le sang, niveau bas de cholestérol, donc le bon cholestérol, le HDL. En revanche, il n'y avait pas de lien entre le temps de préparation des repas et l'obésité abdominale. Les auteurs concluent que chez les femmes, le fait de passer beaucoup de temps à préparer des repas est associé au développement d'un profil à risque pour des problèmes de santé cardiovasculaire. Pour expliquer ces résultats surprenants, une hypothèse est que les personnes qui cuisinent s'autoriseraient des parts plus importantes à la table. Tu sais, ils méritent qu'ils ont cuisiné. Pour les auteurs, il est possible également que les plats cuisinés tout près se soient améliorés en qualité avec le temps. C'est pourquoi Brad Applehans, qui travaille au Rush University Medical Center de Chicago et qui a mené l'étude, pense que les conseils visant à encourager les gens à cuisiner devraient être revus. Il faudrait insister sur la qualité de ce qu'on cuisine plutôt que sur le simple fait de cuisiner. Ces conclusions doivent cependant être considérées avec précaution, car d'autres travaux indiquent que les personnes qui cuisinent mangent plus sainement que les autres. Ainsi, dans une étude récente d'American Journal of Preventive Medicine, des chercheurs de la School of Public Health à Seattle, il n'y a pas de H là, il y en a partout ailleurs sauf là, ont comparé le temps de préparation des repas et l'alimentation chez 1319 adultes suivis entre 2008 et 2009 dans le cadre de la Seattle Obesity Study. Ceux qui passent le moins de temps à cuisiner étaient plutôt des personnes actives qui accordaient de l'importance à leur confort. Le fait de passer plus de temps à la préparation des repas était associé à une meilleure qualité de l'alimentation, des apports fréquents en légumes, salades, fruits et jus de fruits. À l'inverse, ceux qui passaient moins d'une heure par jour à la cuisine dépensaient plus en repas pris à l'extérieur et fréquentaient davantage les fast-foods. Je suis clairement dans la deuxième catégorie. Hein. Au final, peu importe qui a préparé le repas, c'est bien le contenu de l'assiette qui compte. À Singapour maintenant, l'équipe de l'Université de technologie de Nanyang a mis au point une vitre électrochromatique qui peut foncer ou éclaircir sans avoir besoin d'une source d'alimentation externe. Elle est même capable de stocker un peu d'énergie. Actuellement, les vitres teintées qu'on trouve sur le marché sont soit permanentes et ne s'adaptent pas au changement de luminosité, soit électrochromatiques avec une alimentation externe. Mais les chercheurs de l'Université de technologie de Nanyang de Singapour sont parvenus à créer une vitre dont l'intensité de teinte peut varier et ça sans consommer d'énergie. Encore mieux, le système peut emmagasiner de l'énergie et la restituer à de petits dispositifs électroniques de type LED, LED. Dans leur article scientifique consacré à cette innovation qui est publié dans la revue Nature Communications, les scientifiques expliquent que leur vitre électrochromatique peut passer d'un bleu foncé en plein jour pour réduire la pénétration lumineuse de 50% à une teinte transparente le soir venu. Je cite, notre fenêtre électrochromatique est bifonctionnelle car elle est également une batterie transparente. Elle se charge et vire au bleu lorsque de l'oxygène est présent dans l'électrolyte. En d'autres termes, elle respire. C'est ce qu'ils nous expliquent. La vitre contient un électrolyte liquide inséré entre deux plaques de verre qui sont recouvertes d'une couche d'oxyde d'indium éteint. Accent aigu T-A-I-N, éteint. L'une des plaques est traitée avec un pigment bleu de Prusse, tandis que la seconde est reliée à une fine bande d'aluminium. Les deux plaques sont connectées par des câbles électriques. Lorsque le circuit électrique est interrompu, une réaction chimique entre le pigment et l'oxygène présent dans l'électrolyte se produit. Lorsque la charge est complète, le verre prend alors une teinte bleu foncé. Pour inverser le processus, le circuit électrique est fermé afin de décharger la batterie et le pigment adopte alors une teinte transparente. Le système peut servir à ajuster la luminosité d'une pièce durant la journée ou le soir et ainsi contribuer à des économies en matière de climatisation et d'éclairage. Les chercheurs de la NTU comptent améliorer leur invention et trouver des partenaires industriels pour la commercialiser. C'est vraiment super! Maintenant, des ménisques imprimés en 3D pour sauver les genoux des sportifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les chercheurs de l'Université de Columbia aux États-Unis ont réussi à implanter du cartilage imprimé en 3D à des moutons. Une avancée qui pourrait rapidement bénéficier à l'homme. Hommes qui souvent sont des moutons, hein, on sait. Le ménisque est un petit cartilage en forme de C situé entre le fémur et le tibia. Chaque genou en compte deux. Les liaisons méniscales sont l'une des blessures du genou les plus communes et à ce jour, il n'existe pas de moyen pour régénérer des ménisques abîmés. Dans les cas les plus graves, l'ablation est préconisée, ce qui scelle définitivement la fin de la carrière des sportifs qui se retrouvent sans ce précieux amortisseur entre le fémur et le tibia, selon le directeur d'une étude publiée dans la version en ligne de Science Translational Medicine. Par le passé, des équipes de chercheurs ont essayé de remplacer les ménisques endommagés par des tissus provenant d'autres parties du corps ou de personnes décédées, mais les résultats n'ont pas été concluants et de telles procédures sont jugées très risquées par la communauté médicale. C'est pourquoi le Dr Mao s'est tourné vers l'impression 3D. Grâce à des scans de ménisques intacts de moutons réalisés par IRM, le chercheur les a convertis en images 3D pour ensuite les programmer dans une imprimante 3D. En l'espace de 30 minutes, celle-ci a réussi à produire une prothèse imitant la forme exacte du cartilage. Les ménisques de mouton sont très proches de ceux de l'homme, c'est pour ça que ça fonctionne. La consistance de la prothèse se rapproche aussi de celle du vrai ménisque grâce au polycaprolactone, un polyester biodégradable utilisé dans la composition du fil chirurgical. Pour que le corps ne rejette pas cet implant, les chercheurs ont par ailleurs ajouté des protéines humaines à sa composition. Une fois l'implant chirurgical réalisé dans le genou du mouton, le docteur Mao et son équipe ont noté que le ménisque se régénérait en 4 à 6 semaines. La prothèse se dissolvait et était éliminée naturellement par le corps. L'expérience a été menée sur 11 moutons. Ils marchaient tous normalement 3 mois après l'intervention chirurgicale. J'aurais jamais pensé vouloir être un mouton. Les chercheurs ont mis au point une nouvelle technique de revêtement par dépôt d'un film métallique ultra mince et sont même parvenus à obtenir différentes colorations. Applicable à tout type de substrat, la méthode intéresserait l'industrie car ce revêtement représenterait une réduction de poids considérable. Donc un revêtement coloré ultra léger et ultra fin. En 2012 déjà, des chercheurs du Laboratory for Integrated Science and Engineering de l'Université de Harvard avaient mis au point une technique de revêtement basée sur le dépôt d'une couche de seulement quelques nanomètres d'épaisseur d'un semi-conducteur. Même si celui-ci était de couleur grise, la pièce recouverte apparaissait vivement colorée grâce à un jeu d'interférence, un peu comme celui qu'on peut observer lorsque des gouttes d'essence flottent à la surface d'une flaque d'eau. C'est la même chose. Cette technique de revêtement, bien que prometteuse, ne permettrait alors de traiter que des surfaces plates et lisses. Mais l'équipe américaine est depuis allée plus loin. Elle vient de publier des résultats complémentaires dans la revue Applied Physics Letters. Malgré la sensibilité des phénomènes d'interférence, elle annonce que la méthode peut être étendue à pratiquement n'importe quelle surface brute, ce qui était loin d'être évident. Une feuille de papier, par exemple, présente des collines et des vallées, des imperfections dues à la nature fibreuse du matériau. Des imperfections qui auraient pu perturber les phénomènes d'interférence que recherchaient les scientifiques. Mais il n'en est rien car le film déposé est tellement mince que l'interaction avec la lumière se fait instantanément et quel que soit l'angle sous lequel la pièce recouverte est regardée. Pour parvenir à ses fins, l'équipe de l'Université de Harvard utilise un simple évaporateur par faisceau d'électrons. Ce type d'instrument sert classiquement au dépôt de fines couches métalliques. Le flux d'électrons vaporise une cible constituée du matériau destiné à être déposé. Ce dernier précipite ensuite sous forme solide sur le substrat à traiter. L'ensemble du processus a lieu sous vide. Ici, il y a une pression de 10⁻⁶ torr, soit seulement un milliardième de la pression atmosphérique. Le faisceau d'électrons frappe une cible en or déposée dans un creuset en carbone. L'or est ainsi pulvérisé dans la chambre de la machine et se dépose sur le substrat en papier. Le processus est alors répété, mais cette fois avec une cible en germanium. Et selon l'épaisseur du germanium déposé, la feuille de papier apparaîtra bleue ou encore rouge. Et d'autres alliances de métaux peuvent être choisies. L'équipe de Harvard travaille a d'ailleurs d'ores et déjà validé la technique avec de l'aluminium. Voilà. Grâce à cette méthode, une épaisseur de seulement 10 nanomètres suffit à recouvrir efficacement une pièce métallique lisse. Si le substrat est plus brut, un dépôt métallique préalable de 30 nanomètres sera nécessaire, mais on reste bien en dessous de la dizaine de microns de la peinture traditionnelle indispensable pour obtenir le même effet. Un détail qui a son importance, notamment lorsqu'il s'agit d'applications pour lesquelles le poids du revêtement compte. Les chercheurs de l'Université de Harvard citent l'exemple du réservoir de carburant externe de la navette spatiale de la NASA. Une couche de peinture blanche lui avait ajouté près de 275 kg. Une couche de peinture blanche. Hein? Une autre caractéristique de ce nouveau revêtement, c'est qu'il absorbe une grande partie de la lumière qu'il reçoit. Ceci pourrait lui permettre de trouver des applications en optoélectronique ou même dans le domaine de la fabrication de cellules solaires. Et comme il peut être déposé sur des substrats flexibles, rien n'empêche d'imaginer l'incorporer à des systèmes optoélectroniques souples, enroulables ou encore pliables. Selon une étude menée par l'École polytechnique fédérale et l'Université de Zurich, l'utilisation des smartphones crée une empreinte spécifique dans la zone du cerveau dédiée au toucher. Grâce à ces données, les scientifiques vont pouvoir étudier l'évolution de la plasticité du cortex somatosensoriel à partir de données issues de notre quotidien numérique. Donc, les smartphones influencent l'activité cérébrale liée au pouce, nous dit-on. L'utilisation des smartphones rend-elle plus intelligent? Pas vraiment, mais elle contribue à modifier la plasticité du cerveau humain. C'est ce qui ressort d'une étude menée conjointement par l'École polytechnique fédérale et l'Université de Zurich. Des chercheurs ont pu observer les modifications subies par le cortex somatosensoriel sous l'influence de la dextérité spécifique engendrée par l'usage des téléphones intelligents. Concrètement, lorsque nous utilisons l'écran tactile de smartphone, notre cerveau montre une activité plus importante dans les régions associées à l'index, au majeur et surtout au pouce. Le phénomène n'a rien d'étonnant, mais cette réaction a pu être observée et vérifiée ensuite. Pour le professeur qui a dirigé cette étude publiée dans la revue Current Biology, les smartphones vont nous permettre de commencer à relier nos empreintes numériques à l'activité cérébrale et de comprendre comment la vie normale façonne le cerveau de gens ordinaires. Jusqu'à présent, les scientifiques s'appuyaient sur des athlètes de haut niveau ou des musiciens pour mesurer la manière dont le cerveau s'adapte à une activité spécifique. Dans le cas des violonistes, par exemple, la zone du cortex somatosensoriel représentant les doigts qui agissent sur les cordes de l'instrument est nettement plus développée. Mais le fait de pouvoir exploiter les données à partir du quotidien numérique de tous et chacun, recèle un énorme potentiel. Pour réaliser l'étude, l'équipe du professeur a travaillé avec un groupe de 37 personnes, toutes droitières. 26 d'entre elles utilisaient un smartphone à écran tactile et 11 un téléphone mobile classique avec un clavier physique. En mesurant l'activité cérébrale des candidats à l'aide d'un électroencéphalogramme, les chercheurs ont pu mettre en évidence la différence entre les deux groupes d'utilisateurs. Ils ont également constaté que l'activité du cortex somatosensoriel est proportionnelle à la fréquence d'usage du téléphone. Plus l'activité avait été intense au cours des 10 derniers jours, plus le signal cérébral était important. Je cite, « La technologie numérique que nous utilisons au quotidien façonne le traitement sensoriel dans notre cerveau à une échelle qui nous a surpris. Reste à savoir si cette influence peut présenter ou non un risque, ce qui n'est pas l'objet de cette expérimentation, mais elle va permettre de créer une base de données scientifiques d'une grande richesse pour de futurs travaux de recherche. » Biodégradable et non corrosif pour les ciments et les végétaux, Grenoble a profité de l'arrivée des premiers flocons de neige pour expérimenter un sel de déneigement écologique sur une partie de ses 600 km de voiries et de trottoirs. Trois fois plus cher que le chlorure de sodium utilisé d'ordinaire sur le bitume, un sel au pH neutre fabriqué à base d'acétate de calcium a pour principal atout de n'occasionner aucune interaction chimique avec le métal ou le béton, source de pollution. Je cite, grâce au calcium qu'il contient, on ne constate aucune corrosion du métal et aucun échange ionique avec le béton, ce qui pouvait notamment entraîner son gonflement. Ce sel non polluant peut ainsi être pulvérisé avec des laveuses conventionnelles. Des laveuses conventionnelles. Donc, c'est ce que détaille le cofondateur de la société grenobloise Selvert. Créée en 2012, cette start-up locale a fait homologuer l'hiver dernier ce sel vert qu'elle a conçu dans sa version française simplifiée en collaboration avec des laboratoires grenoblois. Davantage répandu en Amérique du Nord, où il est utilisé dans une composition moléculaire plus complexe, ce sel écologique se distingue également du chlorure de sodium polluant aux effets diétères. Est-ce qu'on dit délétère, voilà. Sur la petite faune et flore par ses propriétés de protection des nappes phréatiques, attaquées en général au bout de 15 ans par le sel conventionnel. Testé jusqu'alors seulement en laboratoire, ce sel écologique doit encore confirmer son efficacité à grande échelle sur le terrain. Ça va durer tout l'hiver, ça va permettre d'affiner les dosages nécessaires pour passer de très bon sel de laboratoire à un très bon sel de terrain. Grenoble a commandé 40 tonnes de sel vert sous forme de saumure, moins nocif car dilué dans l'eau. Lors d'un hiver traditionnel, oui, quelques 120 tonnes de saumure sont répandues quotidiennement. Et selon Selvert, 2,5 millions de tonnes de sel classique, le chlorure de sodium, sont déversées chaque année sur les routes de France contre 3,5 millions de tonnes en Allemagne. Et finalement, d'après une étude parue dans Science, le cancer serait souvent dû à un manque de chance plutôt qu'à des facteurs environnementaux et génétiques. Des résultats qui pourraient déculpabiliser bon nombre de patients s'interrogeant sur l'origine de leur maladie. L'étude, cependant, ne concerne pas deux cancers fréquents, celui du sein et celui de la prostate. Les prédispositions génétiques et le mode de vie influencent le risque de cancer, mais combien de cancers sont dus à des facteurs environnementaux, combien à la génétique et combien au hasard? C'est la question à laquelle ont voulu répondre un professeur d'oncologie de l'Université Johns Hopkins et un biomathématicien. Dans leur article, les scientifiques ont utilisé le raisonnement mathématique suivant. Si on considère le nombre de cellules d'un organe et le pourcentage de cellules souches, on peut calculer combien de fois ces cellules souches se divisent au cours de la vie. À chaque division cellulaire, il existe un risque de mutation cancérogène. Une mutation dans une cellule souche risque plus de causer des problèmes qu'une mutation dans une cellule à durée de vie limitée. C'est pourquoi les chercheurs ne se sont intéressés qu'aux cellules souches. Si on suit ce raisonnement, les tissus qui ont le plus grand nombre de divisions de cellules souches devraient donc être plus vulnérables vis-à-vis du cancer. Les chercheurs ont analysé ces statistiques portant sur 31 types de cancers. Ils ont ainsi montré que le risque de cancer dans de nombreux organes était fortement corrélé avec le nombre de divisions cellulaires qui avaient lieu au cours de la vie. Sur les 31 cancers étudiés, 22 sur les deux tiers seraient surtout dus au hasard des mutations aléatoires lors des divisions cellulaires. Le raisonnement mathématique des chercheurs fonctionnait en particulier pour le cancer du côlon. Ce cancer qui touche le gros intestin est plus courant que celui du duodénum qui est situé dans l'intestin grêle. Si on compte le nombre de divisions cellulaires de cellules souches dans ces organes, il y en aurait 10 à la 12 dans le côlon au cours de la vie contre 10 à la 10, puissance 10 dans le duodénum. Chez les souris, en revanche, il y a plus de divisions dans l'intestin grêle et plus de cancers que dans le côlon. Cependant, l'étude ne portait pas sur deux des principaux cancers qui touchent les pays occidentaux, donc les cancers du sein et de la prostate. De plus, il faut rappeler que lorsqu'une mutation apparaît, celle-ci ne conduit pas nécessairement à un cancer. Tout d'abord, il existe des systèmes de réparation de l'ADN. Ensuite, si la mutation conduit bel et bien à rendre une cellule cancéreuse, l'organisme peut, grâce à son système immunitaire, reconnaître et éliminer de telles cellules. Un système immunitaire défaillant peut favoriser l'apparition d'un cancer. Ces résultats suggèrent donc que la majorité des cancers seraient dus au manque de chance, à savoir des mutations aléatoires ayant lieu lors de la réplication de l'ADN dans des cellules souches non cancéreuses. Cependant, il ne faudrait pas voir dans ces résultats une hésitation à prendre des risques pour sa santé, à savoir en fumant et en mangeant mal, le mode de vie restant un facteur de risque du cancer. Nous dit cet article que vous pouvez retrouver avec tous les autres de Merci Science sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'émission 72 du Mathieu Planchot. Dans quelques minutes, ce sera le bloc Geek CNX. Mais avant ça, on retourne en chiptune à l'entendre une autre excellente pièce, j'en suis certain. Ça pas le choix parce que quand j'ai choisi parce que son band. Ben rare que je choisisse des chansons au hasard. Donc Digital Detox sur l'album Forever Alone par Balloon Bear. On écoute ça à l'instant. MPS, le Mathieu Planchot, assez fou. We'll be right back. d'excentricité. 89.1. Le projet TTB avec une nouvelle pièce nommée Cruise. C'est le premier extrait de leur maxi Pizza Planet EP qui est sorti le 6 janvier, donc mardi. Vous pouvez écouter le reste sur assemblagerequis.com. Maintenant, ça va être le moment de récapituler les nouvelles des trois dernières semaines. Genre, voici le segment Geek Scenics. Scenics, c'est le segment geek, les nouvelles technologiques, tout ce qui a rapport avec les jeux vidéo, l'informatique, etc. etc. On n'a pas eu d'émission depuis le 16 décembre. T'sais, ça fait comme pas mal longtemps, 3 semaines et plus. Donc, on va devoir récapituler ça. Et commençons par un récapitulatif de l'année 2014 avec les termes les plus populaires chez Google. Hein, le suicide de l'acteur Robin Williams au mois d'août arrive en tête de liste des recherches effectuées sur Google en 2014, autant au Canada qu'à travers le monde. Ce triste événement a devancé l'épidémie de virus Ebola, la Coupe du monde de football, la disparition du vol 370 de la Malaysia Airlines en mars et même le célèbre Ice Bucket Challenge. Au Canada, la Coupe du monde est arrivée en deuxième place, suivie de l'iPhone 6, des Jeux olympiques d'hiver en Russie, de l'Ebola et de vedettes comme Gian Gomeshi, Philip Seymour Hoffman, Jennifer Lawrence et Joan Rivers. Derrière M. Gomeshi, les Canadiens ont questionné Google concernant le maire de Toronto, Rob Ford, l'ancien ministre des Finances, Jim Flaherty, la vedette du tennis, Eugénie Bouchard, oui. J'allais dire en anglais, le médaillé de bronze Mark McMorris, la fusillade au Parlement, le conflit en Ukraine, le référendum écossais, la chasse à l'homme de Justin Bourque à Moncton et les élections municipales de Toronto. À l'échelle mondiale, les internautes se sont tournés vers Google pour en savoir plus au sujet du jeu Flappy Bird, du Travelo Conchita Wurst, on peut dire de la chanteuse Conchita Wurst, bref, du groupe armé État islamique et du film de Disney Frozen, La Reine des Neiges. Monsieur Williams, l'Ebola, la Coupe du monde, Ice Bucket Challenge compte aussi parmi les sujets les plus discutés cette année sur Facebook, qui a publié son palmarès la semaine, il y a plusieurs semaines, ben ouais. En lien avec la mort de Monsieur Williams, Google a constaté une explosion des recherches consacrées à la dépression, une maladie dont il souffrait depuis longtemps, mais aussi à la phrase latine Carpe Diem, profiter du moment présent, que l'acteur a rendu célèbre dans son film Dead Poets Society. Les Canadiens ont également voulu savoir comment voter, bloguer, faire de la purée, récolter des fonds, utiliser Snapchat, faire du kayak, accorder un instrument de musique, sevrer un bébé, faire le moonwalk, très à jour, et tracer du henna. Ils ont enfin demandé à Google de l'information concernant la sclérose latérale amyotrophique, ça c'est le truc de l'ALS, les bitcoins, Uber, le système de taxi, Gamergate, Alibaba, Tinder, le liposarcome et le skiathlon. L'Ebola est arrivé au premier rang des recherches sur Yahoo en 2014. Vous voyez comment c'est vraiment bref à la fin, parce qu'on s'en fout de Yahoo. Au moins comme engin de recherche. Pour le reste, ça va. Maintenant, les films les plus piratés de 2014. The Wolf of Wall Street et le dessin animé de tous les records de Disney, Frozen, ont été les films les plus piratés du monde en 2014 avec quelques 30 millions de téléchargements illégaux selon un classement du cabinet de conseil Excipio. Le retour de RoboCop, réalisé par José Padilla, suit avec 29,8 millions de téléchargements, tandis que le drame spatial Gravity du Mexicain Alfonso Cuarón, qui avait amassé 7 Oscars en début d'année, affiche pour sa part 29,4 millions de téléchargements, d'après ce classement publié dans les médias américains. Les films de super-héros occupent 10 des 20 premières places de cette liste, avec notamment Thor, le monde des ténèbres, Captain America, The Winter Soldier, X-Men Days of Future Past et Hercule, chacun téléchargé entre 24,4 et 27,6 millions de fois. Le meilleur film de l'année aux derniers Oscars, 12 Years a Slave, a pour sa part été piraté 23,6 millions de fois, tandis que American Bluff et Captain Phillips, parmi les plus nommés lors de la cérémonie de remise des prestigieuses statuettes l'an dernier, l'ont été respectivement 23,1 et 19,8 millions de fois. Si vous voulez la liste des 20 films les plus piratés de l'année, telle que reproduite par The Hollywood Reporter et Variety en nombre de téléchargements illégaux, allez voir assemblagerequis.com. Résumé de l'année maintenant selon Wikipédia, on va faire le tour, hein, pas mal. L'heure est au bilan, c'est comme ça. Wikipédia propose une vidéo résumant 2014 par le biais des sujets les plus populaires de son portail. C'est d'ailleurs la première fois que l'Encyclopédie Libre se joint à cette tradition de décembre. Wikipédia qui parvient toutefois à se distinguer d'autres initiatives similaires en utilisant exclusivement le contenu généré par les contributeurs, prouvant du même souffle la portée de son service. Donc c'est qu'avons-nous édité en 2014 selon de la vidéo? Donc, entre autres, Malaysia Airlines, le vol 370. J'attends que la vidéo avance. Il y a plein d'affaires. Les Olympiques de 2014, évidemment, en photo. Tout est là. Ça va être pas mal la même affaire que les autres. La Coupe du monde de football. Hein? Soccer, oui. Le référendum en Écosse. C'est les mêmes sujets que les autres. J'aurais dû regarder la vidéo. C'est moi qui étais paresseux, qui ne l'ai pas regardé. C'est la même affaire qu'il y a partout. Maintenant, passons au CES qui a lieu en ce moment à Las Vegas. Wouhou! Le CES, c'est comme à chaque année au mois de janvier. Donc, les voitures, les maisons connectées, la réalité virtuelle, les téléviseurs à ultra haute définition, les gadgets destinés à mesurer la santé et le style de vie devraient se partager l'attention de la presse internationale à compter de cette semaine. En fait, c'est seulement cette semaine à Las Vegas dans le cadre du CES, le Consumer Electronics Show. Je lis un article de la presse en ce moment pour ceux qui veulent savoir. Autrefois célèbre avant tout pour être le lieu de démonstration de téléviseurs toujours plus gros, plus spectaculaire et plus cher, la grande foire annuelle de l'industrie de l'électronique prend presque cette année des allures de salon de l'auto. Avec l'arrivée du constructeur Volkswagen qui y participera pour la première fois, la quasi-totalité des constructeurs d'importance sera d'événement. Donc Audi, BMW, Chrysler, Ford, General Motors, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz et Toyota seront là pour présenter des technologies comme la conduite automatisée, la connexion à Internet mobile ou des systèmes de divertissement et de contrôle sophistiqués. Dans un sondage sur la voiture branchée mené en 2014 par la firme Accenture, un total de 55% des Américains sondés ont jugé à divers degrés que les technologies intégrées étaient un critère plus important que les performances routières dans l'achat d'un véhicule. À la Consumer Electronics Association, organisatrice de l'événement, prévoit une augmentation de 3% des ventes d'équipements embarqués en 2015 pour une valeur totale de 11,3 milliards de dollars américains, d'où la multiplication des initiatives. Et maintenant, restons dans le domaine du CES avec un autre article de la presse sur les tendances à suivre au CES. Les casques de réalité virtuelle se multiplient depuis quelques années dans les rassemblements de nature technologique. Cette catégorie montre de très belles promesses, mais semble peiner à franchir les derniers obstacles liés à la technique et au contenu avant sa commercialisation de masse. Les Oculus Rift, Sony Morpheus et Samsung Gear VR, à tout le moins, continueront de mettre de l'avant la réalité virtuelle. On s'attend dans les meilleures conditions à un grand lancement pour l'automne 2015. Ensuite, pour la ultra haute définition, on cherche du contenu. Les téléviseurs à ultra haute définition, le UHD ou encore le 4K, le 4K célèbre, devraient encore une fois être omniprésents dans les salles d'exposition aux quatre coins de Las Vegas, même si on ne s'attend pas vraiment à de grandes nouveautés de ce côté. Ce qu'il faut surveiller, c'est l'évolution du côté contenu. Celui-ci se fait rare pour l'instant et presque uniquement accessible par l'entremise de Netflix, YouTube, faute de disques capables de l'accueillir, en ce moment des disques physiques. La rumeur veut que les premiers disques et lecteurs Blu-ray 4K soient lancés à compter de l'été 2015. Ensuite, les objets connectés, l'Internet des objets est possiblement la plus grande tendance de fond actuellement dans le domaine technologique. Les capteurs se multiplient dans toutes les sphères d'activité et communiquent par l'entreprise de l'Internet, l'entremise, pardon, de l'Internet avec différentes plateformes, notamment les téléphones intelligents. Près de 900 entreprises vont profiter du CES 2015 pour présenter des produits liés à l'Internet des objets. À la maison et l'exercice physique sont deux des champs de prédilection. On devrait voir donc une première utilisation de la plateforme HomeKit, mise sur pied par Apple pour simplifier l'interaction entre les objets et les appareils mobiles. Autant l'événement de l'an dernier a marqué la multiplication des objets connectés, autant celui de 2015 devrait être celui des drones. Pour la première fois, on leur a d'ailleurs réservé une section de la salle d'exposition. Pour l'instant, la plupart des drones grand public ont pour vocation la capture d'images. C'est ce rôle qui devrait être à l'avant-plan, encore une fois, au CES. Une rumeur qui veut d'ailleurs que le fabricant de caméras d'action GoPro profite de l'occasion pour dévoiler son propre drone. Et les téléphones intelligents cèdent le plancher. Malgré leur importance stratégique dans l'univers des technologies, les téléphones intelligents devraient être encore plus discrets à Las Vegas cette semaine. À part peut-être LG ou un ou deux fabricants chinois, les principaux acteurs de cette industrie préfèrent maintenant délaisser cette scène trop encombrée et présenter leurs nouveautés dans d'autres foires, voire dans des conférences de presse réservées juste à leur appareil, comme le font Apple et Samsung. On reste dans le CES et à la place de parler de ce qui va peut-être avoir lieu, on va parler de choses qui ont eu lieu parce qu'évidemment, on est mercredi en direct en ce moment, donc quelques nouvelles ont eu le temps de sortir depuis le début de la semaine et j'ai pris ce qui m'a intéressé le plus. Commençons par une nouvelle laveuse qui permet deux lessives simultanées. Oui, débordé par la quantité de lessive à faire, le groupe sud-coréen LG Electronics pense avoir une solution avec un lave-linge permettant de faire tourner deux lessives en même temps, présenté à la presse lundi dernier à Las Vegas. LG a caché un deuxième tambour plus petit dans un tiroir placé sous un lave-linge à chargement frontal d'apparence classique. Le Twin Wash System permet d'avoir deux lave-linges en l'espace d'un et de réaliser d'importantes économies de temps, a commenté le responsable marketing de LG aux États-Unis lors d'une conférence de presse. Il a expliqué que ce système permettrait avec une seule arrivée d'eau de faire tourner deux charges en même temps, le cas échéant avec deux programmes de température différentes. L'utilisateur peut ainsi utiliser indépendamment un seul des deux tambours en fonction de la quantité de linge qu'il doit laver. Le mini-tambour inférieur pourra être acheté séparément, évidemment, mais est conçu pour s'adapter uniquement sous les lave-linges de LG. La commercialisation est envisagée pour le deuxième trimestre pour un prix encore non divulgué. Ah boy! Une mini laveuse intégrée. C'est comme un mini-moi intégré. Non, c'est comme... c'est quoi... c'est dans quel film, donc, il y avait un... un bébé dans le ventre, là. Espèce de caoutchouc, là, je me rappelle pas. Ça me revient pas. En tout cas, vous saurez de quoi je parle, vous, grand public. Les patins à roulettes du futur s'exhibent au CES aussi. C'est les Rollkers. Ils ressemblent à des patins à roulettes, mais son inventeur préfère le décrire comme des accélérateurs de marche. Les Rollkers ambitionnent de changer les déplacements piétons avec leurs roues connectées. L'idée n'est pas, d'avoir les mouvements de patineurs, mais de reproduire les mouvements de la marche. Les roues sous l'appareil accélèrent le mouvement. Sous la plateforme où l'utilisateur pose le pied, chacun des deux engins compte quatre roues, une batterie et un moteur électrique, ainsi qu'un système électronique de contrôle. Ce dernier permet entre autres de stabiliser l'appareil. Quand on monte dessus, pas besoin de chercher une position d'équilibre comme sur des patins traditionnels, on marche tranquillement. Les Rollkers se connectent aussi à un téléphone intelligent afin de les personnaliser en fixant une vitesse maximale ou en réglant l'intensité du freinage, mais aussi de récupérer des statistiques sur ses déplacements. L'ex-professeur de mathématiques et consultant informatique dit s'être inspiré du tapis roulant. Comme lui, les Rollkers accélèrent à la vitesse de marche, qui peut quasiment doubler. On n'est pas dans la course, mais un jeune qui se sent à l'aise va pouvoir aller à 10 km/h alors qu'il marchait à 4 ou 5 km/h avant. Pour l'instant, on considère que c'est la vitesse de pointe pour une raison plus sociale que technique. Sur des trottoirs, dépasser 10 km/h, ça paraît un peu une gageure, disent-ils, surtout s'il y a un peu de monde. L'appareil pourrait, selon ce professeur, cet homme, c'est ce professeur, je me rappelle même plus, pourrait s'avérer utile dans les déplacements quotidiens. On peut imaginer dans une banlieue rejoindre sa station de train ou de métro, peu importe, en prenant une petite marche rapide. Voilà, on présente le prototype au Salon d'électronique International CES. Au même salon, Daimler imagine la Mercedes-Benz F015, une voiture sans chauffeur où on peut s'asseoir dos à la route. Le groupe automobile allemand Daimler a présenté un prototype de véhicule capable de rouler sans chauffeur pour laisser les quatre passagers s'asseoir face à face. La Mercedes-Benz F015, une voiture de recherche électrique et bourrée d'électronique à la forme futuriste et arrondie, a été présentée lundi en ouverture du CES. La voiture a encore un volant, mais le siège généralement réservé au conducteur peut pivoter. Les passagers des deux sièges avant peuvent ainsi s'asseoir le dos à la route en faisant face à ceux des deux fauteuils remplaçant la banquette arrière des véhicules actuels, un peu selon son ancien concept de la calèche. Pendant que les passagers se relaxent, discutent ou vaquent à leurs occupations, éventuellement en utilisant l'un des six écrans tactiles intégrés au tableau de bord, aux portières et à la lunette arrière, Le véhicule roule tout seul et les conduit à leur destination. Outre les écrans tactiles, les passagers peuvent aussi interagir avec le véhicule grâce à des commandes gestuelles ou déclenchées par les mouvements de leurs yeux. Le véhicule communique également avec l'espace qui l'entoure de façon différente, selon qu'il est en conduite manuelle ou automatisée, et peut notamment réagir au déplacement d'un piéton devant la voiture. Lors de la démonstration, le prototype a ainsi projeté sur le sol devant lui la lumière d'un passage piéton virtuel pour indiquer à une personne sur le bord de la route qu'elle pouvait traverser devant lui en toute sécurité. La voiture envoie des lignes sur la route pour dire aux piétons « Ah ouais, vas-y » à place d'avoir à y faire signe. C'est magique. Donc, au-delà de la performance technique, le prototype se veut aussi le reflet d'une certaine philosophie. Celui qui se concentre uniquement sur la technologie n'a pas encore compris comment la conduite autonome va changer notre société, disent-ils. La voiture va aller au-delà de son rôle de simple moyen de transport et deviendra, en fin de compte, un espace de vie mobile. C'est pas pire, ça, c'est le fun. Ensuite, toujours au CIS, des ampoules, détecteurs de fumée et caméras. L'ampoule connectée qui change de couleur, on la connaît. Philips et Hue, ça c'est la marque d'ampoule intelligente, donc de Philips, un pionnier dans le genre, a été largement imitée. Celle qui fait de la musique, on la connaît aussi, notamment par la AWOX Streamlight. Mais l'ampoule qui fait office de détecteur de fumée et celle qui cache une caméra de surveillance, on ne connaissait pas encore et c'est ce que AWOX a annoncé au CES. La maison connectée sera toujours plus connectée ou elle ne sera pas. Voilà. Et pour AWOX, une ampoule n'a visiblement pas vocation à faire que de la lumière. Après la lumière programmable, la musique et même la diffusion d'huiles essentielles, place au détecteur de fumée et à la vidéosurveillance. La première Safe Light tombe à pic puisqu'au cas où vous l'ignorez, la législation française va imposer à partir du 8 mars que tous les foyers soient équipés d'au moins un détecteur de fumée. C'est du moins obligatoire pour rester couvert par son assurance. La partie éclairage sera assurée par une ampoule connectée couleur à LED de 4 watts. Tandis que le détecteur de fumée se chargera d'analyser l'air et d'émettre un signal sonore de 85 décibels en cas de présence de fumée. Un voyant lumineux informe du niveau de batterie et le détecteur de fumée de la SafeLight est supposé avoir une durée de vie de 10 ans. Sortie prévue au printemps 2015, pas encore de prix communiqué. Et l'autre, c'est une ampoule qui se fixe sur une douille à vis standard avec un éclairage LED basse consommation, capteur infrarouge pour vision nocturne, et ça va être évidemment avec un détecteur de mouvement. Il va y avoir une caméra HD motorisée à l'intérieur. Installation 100% info nuagique dans le cloud. C'est la Cam Light, la caméra HD motorisée. On lâche le CIS, on va y revenir probablement la semaine prochaine, le temps de laisser les grosses nouvelles sortir, les articles s'écrire sur les différents sites. Là, j'ai pris vraiment ce qui, moi, m'attirait, les petites bestioles, les petits gadgets de rien. Donc, on parle de sommeil maintenant. Les enfants qui ont une tablette dans leur chambre dorment moins que les autres. Les enfants qui ont accès à des tablettes ou des téléphones intelligents dans leur chambre bénéficient de moins de sommeil que ceux qui n'en ont pas, pointe une étude américaine publiée lundi, le 5 janvier. Sur 2000 collégiens étudiés, ceux qui disposent de tablettes et de téléphones intelligents dans leur chambre, la nuit dorment en moyenne 21 minutes de moins que leurs camarades qui n'en sont pas dotés, selon une étude qui est parue dans la revue américaine Pediatrics. En outre, les enfants qui ont une télévision au pied de leur lit voient leur sommeil amputé de 18 minutes par rapport à ceux qui n'ont pas de télécommande à portée de main. Ces résultats doivent servir de mise en garde contre un accès illimité à des écrans dans les chambres d'enfants, soulignent les auteurs de l'étude amenée par l'Institut de santé publique à l'Université de Californie. L'étude a été menée sur 2048 enfants entre 10 et 13 ans, scolarisés dans le Massachusetts, dans le nord-est des États-Unis. C'est pas la première fois que les tablettes sont mises en cause pour leurs conséquences sur le sommeil. Selon une étude menée dans un hôpital de Boston aux États-Unis et relayée par les gens du Huffington Post, la lumière émise par votre tablette ne perturberait pas seulement votre capacité à vous endormir, mais aussi la qualité de votre sommeil. C'était publié le 22 décembre. Il y a un autre article qui est en lien sur assemblagerequis.com que je trouvais super intéressant, mais je peux pas tous les lire. Hein? À la radio, bien sûr. Vous avez été nombreux à parler partout, un petit peu partout, de l'Internet Archive le mois dernier, alors qu'ils avaient ajouté des jeux de consoles. C'était des jeux de... Je pense que ça le disait dans le... C'est des jeux de... pas Commodore, c'est un émulateur. C'est des jeux de consoles, de vieilles consoles. Les nostalgiques adeptes de rétro gaming seront ravis d'apprendre qu'un nouveau lot de jeux DOS maintenant s'ajoute aux jeux d'arcade mis en ligne en novembre. Donc, il est possible depuis quelques mois de jouer à une panoplie de classiques d'arcade, comme on l'avait dit. Le projet est le fruit du travail de Jason Scott, qui a compilé l'émulateur MESS en version JavaScript afin de permettre son utilisation dans n'importe quel navigateur. On se retrouve aujourd'hui donc devant le même type de produit, mais pour des jeux de DOS. Chez l'émule, le défunt système d'exploitation de Microsoft afin de permettre l'exécution d'applications conçues pour ce dernier. L'émulateur s'appelle DOSBox. Comme pour toute émulation, la fidélité de la reproduction des jeux n'est pas sans reproche, mais il va de soi que l'aspect patrimonial de la démarche s'inscrit parfaitement dans la mission de l'Internet Archive, qui est d'offrir un accès universel à la connaissance humaine. Retrouvez tout ça, évidemment, en passant par assemblagerequis.com. C'est archive.org. Et ensuite, vous tapez Software Library MS-DOS. Mais le lien est directement sur notre site à nous pour la facilité. Le succès de l'Oculus Rift n'a laissé personne indifférent et a suscité des vocations et des entreprises tentent de s'engouffrer dans la brèche en proposant leurs propres produits. C'est le cas de la société française Humido qui vend son casque de réalité virtuelle nécessitant l'utilisation de téléphones intelligents. Les 2 milliards de dollars dépensés par Facebook pour acheter l'Oculus Rift ne sont pas passés inaperçus. Le marché de la réalité virtuelle semble être en pleine expansion. Des acteurs comme Google, Samsung et Sony travaillent eux aussi pour surfer cette vague. D'autres sociétés sont plus modestes et ont évidemment des envies similaires, comme Humido qui propose donc son propre produit, conçu par une équipe réduite, car si l'investissement reste important pour cette entreprise française, le pari s'avère risqué. Pour être sûr de bénéficier de tout l'argent qu'il faut afin de se faire connaître, de monter un plan commercial cohérent, il a fait appel au financement participatif via Ulul. Un résultat, 201 personnes ont soutenu le projet et ont permis d'attirer l'attention sur ce dernier. Donc, Humido n'est pas réellement comparable à l'Oculus Rift dans la mesure où aucun écran n'est intégré. Ce casque en plastique, pourvu d'une lanière horizontale et d'une autre verticale, celle-ci est optionnelle et cela se sent puisqu'elle est moins efficace, nécessite l'utilisation d'un téléphone intelligent pour fonctionner. Ça dispose d'un support accueillant le téléphone. Il faut que ce soit compatible. Il faut aller voir la liste sur le site. Évidemment, les plus récents Apple et Samsung sont là-dedans. Par ailleurs, Humido a développé une application qui répertorie le contenu, donc vidéo normale ou à 360 degrés, jeux, applications, etc., qui sont utilisables avec le casque. C'est pas irréprochable en termes d'ergonomie, nous dit-on, mais ça a quand même le mérite d'exister. Allez voir le reste des détails sur assemblagerequis.com. On va y aller avec je vais en sauter quelques-uns, je vais vous laisser le reste sur assemblagerequis.com, bien sûr. Il y a un robot sous-marin complètement autonome. Une équipe de l'université japonaise d'Okayama travaille sur un robot sous-marin capable de naviguer et d'exécuter des tâches en totale autonomie. L'engin associe un système de vision en 3D stéréoscopique et un sonar qui lui permettent de repérer et de suivre des objets avec une précision de quelques millimètres. Ce robot pourrait être utile notamment pour des missions de surveillance d'installations sous-marines ou encore environnementales. Si les robots autonomes terrestres ont déjà démontré leur capacité dans de nombreux domaines, des versions sous-marines aussi performantes n'existent pas encore pour le moment. Car au Japon, des chercheurs qui travaillent pour l'université d'Okayama ont construit un robot sous-marin doté d'un système de navigation autonome qui pourrait évoluer au fond des mers ou des lacs pour accomplir toutes sortes de tâches. Selon la description des concepteurs, l'engin est un Move-On Sensing Autonomous Underwater Vehicle, donc un MOSAUV, c'est-à-dire un appareil sous-marin autonome qui se déplace en détectant son environnement. L'engin combine un système de vision en 3D stéréoscopique utilisant deux caméras vidéo CCD et un sonar classique. S'appuyant sur des essais menés avec des robots terrestres, le scientifique affirme que la précision pourrait même être améliorée jusqu'à 0,5 mm, parce que présentement, la précision est de 5 mm. Ce type de robot sous-marin pourrait servir dans divers domaines, à commencer par les travaux de décontamination de zones polluées par des matériaux radioactifs. Il pourrait aussi être employé pour l'exploration minière, à la recherche de métaux rares ou d'hydrates de méthane. Les chercheurs japonais citent également des tâches de maintenance d'infrastructures sous-marines, telles que les câbles de télécommunication ainsi que des missions de surveillance environnementale. Il y a un prototype qui a été testé en piscine. Vous pouvez aller voir les informations, comment ça s'est passé, encore une fois, sur le site. Fallait que ça arrive éventuellement. Je manque de batterie sur mon portable. On va aller entendre une pièce de chiptune. De toute façon, on était rendu à peu près à l'heure de se laisser pour une petite pause de chiptune. On va continuer notre série, mais commencer un bloc qui va continuer la série DKC Mix 894, présenté par Big Matt Tax. On était rendu aux pièces. C'était 10, 11 et 12 qu'on va l'entendre à l'instant. Donc plus tard, il y aura les artistes Missing No et Wild Gunman. Mais on va commencer avec la 10e pièce de cette compilation qui rend hommage à la série de jeux Donkey Kong Country sortie sur Super Nintendo. Commençons donc avec Pokémat featuring Lucio Baldomero, Dave Reardon et Joe Corbett. Leur extrait s'appelle Primal Rave. Et on écoute ça à l'instant. MPS, le Mathieu Plante Show. Assez fou. 89 FM. Got real hair. Get straight to the jungle, make sure to stay. Blast the boombox to the primal rave. In the lost world, in the secret cave. They're gonna butt your head, cause you can't behave. Thinking that you're safe here under the crust. With your pirate hat and your blunderbuss. The duel's on the way, in them I trust. To knock you away, like a gorilla-sized gust. You can't tap, but the jig is up. Cause did C and D are way too tough. Gunman et Funky Flies, précédé de Missing No et Mill Fever. Et au début du bloc, c'était Pokémon featuring Lucio Baldomero, Dave Reardon et Joe Corbett avec Primal Rave. C'est trois autres pièces de la série DKC Mixed Ape 94, présentée par Big Mad Attacks, qu'on retrouve sur bigmadattackspresents.bandcamp.com. C'est un hommage à la musique de la série Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Il nous en reste encore un bon bout de ça et je suis bien content, moi. Maintenant, tiens, on revient, on était tantôt. C'est vrai, c'est la deuxième partie de CNX. Donc, on était rendu à parler encore un peu de voitures. Le constructeur automobile Jaguar Land Rover veut offrir aux chauffeurs une vue panoramique en rendant transparent les montants du toit au niveau du pare-brise et des portières. Le système se double d'un affichage tête haute dynamique et d'une assistance à la navigation sous la forme d'une voiture fantôme qui montre l'itinéraire à suivre. Après le concept du capot moteur transparent, Jaguar Land Rover explore de nouvelles pistes en matière d'affichage pour améliorer la conduite. Le constructeur automobile a présenté un nouveau projet de recherche intitulé 360 Virtual Urban Windscreen, un concept de pare-brise qui assure au conducteur une vue à 360 degrés en éliminant les angles morts que représentent les montants de pare-brise ainsi que les montants latéraux. Un système d'affichage virtuel rend ces éléments de carrosserie littéralement transparents, libérant le champ de vision lorsque l'automobiliste tourne la tête au moment d'aborder l'intersection ou lorsqu'il fait une manœuvre de dépassement. Pour cela, Jaguar utilise des caméras placées à l'extérieur de la carrosserie qui relaient les images en temps réel à des écrans insérés dans les deux montants avant et les deux montants latéraux. Cette fonction ne s'activerait qu'en cas de besoin, par exemple lorsque le chauffeur tourne la tête, actionne le clignotant, aborde une intersection ou encore si un piéton vient à traverser la route. Mais c'est pas tout. Le système est complété par un affichage tête haute, donc un heads-up display, sur le pare-brise, qui ajoute un niveau d'information pour améliorer la sécurité et éviter que l'automobiliste n'ait à quitter la route des yeux. Ainsi, lorsque les caméras situées à l'avant de la voiture détectent un piéton ou un cycliste, ceux-ci sont entourés d'un halo rouge pour mieux signaler leur présence. Cette réalité augmentée pourrait également être couplée à un service en ligne pour délivrer en temps réel des informations utiles à l'approche d'un parc de stationnement, le nombre de places, le tarif de bâtiments ou commerces comme les horaires d'ouverture, les prix du carburant, etc. Enfin, Jaguar propose une approche assez originale pour la conduite assistée. Inspiré des jeux vidéo, le système Follow Me Ghost Car Navigation guide le conducteur en projetant une voiture virtuelle qui ouvre la route et montre le parcours à suivre. Le but est d'offrir un guidage plus précis et moins stressant en montrant la voie dans laquelle il faut se trouver, le croisement auquel il faut tourner sans avoir à scruter l'écran du tableau de bord. La marque automobile britannique ne donne pas de feuille de route concrète pour l'introduction de ces technologies qui, si elles ne présentent pas de difficultés techniques importantes, seront vraisemblablement assez onéreuses. BMW planche sur un système autonome grâce auquel un conducteur utiliserait une montre connectée pour ordonner à son véhicule d'aller se stationner et de revenir le chercher à l'endroit où il l'a déposé quand il le demande. Hein, c'est un système automatique de garçon qui fait comme dans les films américains où les gens riches vont faire stationner leur voiture. Les fans de la série télévisée K2000 se souviendront sans doute de ces scènes où le héros utilise sa montre pour communiquer avec sa voiture high-tech qui se pilote elle-même pour venir le tirer d'un mauvais pas. Cette technologie, BMW entend bien la concrétiser. Lors du prochain, de ce présent Consumer Electronics Show dont on parlait plus tôt dans la chronique, le constructeur automobile présente un concept baptisé Remote Valet Parking Assistant, valet étant le mot que je cherchais en introduction de l'article. Il s'agit d'un système de stationnement autonome contrôlé à partir d'une application pour montre connectée ou smartwatch. Le scénario d'utilisation est d'une simplicité étonnante. Arrivé à l'entrée d'un parc et de stationnement à plusieurs étages, le conducteur descend de sa voiture et tapote sur sa montre pour l'enjoindre d'aller se trouver une place et de s'y garer. Le véhicule s'exécute et une fois stationné, se verrouille automatiquement. De retour de son rendez-vous, de sa séance de magasinage, le chauffeur appelle la voiture d'une simple commande vocale énoncée via sa montre. Celle-ci se met en route et vient rejoindre son propriétaire à l'endroit où elle l'a quitté. BMW teste actuellement cette technologie sur son modèle électrique i3, équipé d'un système d'anti-collision basé sur 4 scanners laser qui cartographient l'environnement et détectent les obstacles. Dans un parking, par exemple, si le véhicule s'approche trop près d'un mur ou d'un pilier, le système déclenche le freinage et est capable de manœuvrer pour s'insérer dans un emplacement et peut même détecter des obstacles imprévus tels qu'une autre voiture mal stationnée. BMW précise que les informations des capteurs laser sont croisées avec un plan numérique des lieux. Ça permet à la voiture de se géolocaliser sans utiliser de GPS, qui bien souvent ne fonctionne pas dans les bâtiments de béton, bien sûr. L'autre avantage est qu'il n'est pas nécessaire d'équiper ces parcs de stationnement d'une infrastructure spécifique pour que le système de navigation puisse fonctionner. La seule condition est de pouvoir fournir un plan d'architecte détaillant la structure de la construction. Ouais, ben c'est quand même une grosse affaire, ça, là. Si tout ça semble déjà bien avancé, BMW ne fournit aucune date pour l'introduction de cette technologie dans les véhicules de série, mais il est probable qu'une partie de ces innovations, notamment le système anti-collision, soit proposée en option pour assister les conducteurs lors de manœuvres délicates. L'équipementier allemand Continental veut démocratiser la technologie tactile dans les automobiles. Grâce à un cadre combinant des rayons infrarouges et des photodiodes, un écran conventionnel peut devenir tactile pour un coût bien moindre. Continental pense pouvoir commercialiser ce système d'ici 2 ans. Si les écrans tactiles font désormais partie de notre quotidien via les téléphones intelligents, les tablettes et autres écrans interactifs, ils commencent tout juste à aborder le secteur de l'automobile. Il s'agit encore d'une option onéreuse réservée aux modèles haut de gamme. Le constructeur allemand Continental a travaillé sur une technologie susceptible d'apporter des fonctions tactiles dans les véhicules de premier prix. Son système présenté comme un rideau infrarouge transforme un écran classique en surface tactile multipoint. Cette technologie, connue depuis longtemps, repose sur un cadre où sont disposées des LED, des lumières DEL, sur deux côtés adjacents et des photodiodes sur les deux autres. Ce dispositif vient se fixer sur les bords d'un écran LCD conventionnel. Chaque LED émet un rayon infrarouge qui est détecté et converti en signal électrique par le photodiode situé en face sur le côté opposé du cadre. Ainsi, lorsqu'un ou plusieurs doigts viennent toucher l'écran à un endroit précis, ils interrompent certains rayons infrarouges. Les photodiodes correspondantes ne reçoivent plus de lumière et ne transmettent donc pas de signal. Cette information est analysée afin de déterminer en temps réel la position des doigts et de la corréler avec la fonction affichée. Le système reconnaît des gestes tels que le balayage ou le fait de pincer et écarter l'index et le pouce pour faire un mouvement de zoom. Continental souligne également que cette technologie peut s'utiliser avec des gants ordinaires, ce qui n'est pas le cas avec les écrans tactiles capacitifs actuels, vous le savez. Le fabricant cherche désormais à affiner au maximum l'épaisseur du cadre qui varie en fonction de la taille de l'écran. Il se dit prêt à lancer la production de cette technologie en 2017 sans toutefois donner d'indication de prix. Si l'intégration d'un écran tactile dans une planche de bord ne semble pas poser de difficultés, les avancées en matière d'écran flexible sont elles aussi très prometteuses. Citons par exemple le projet de film étirable capable de rendre tactile une surface et d'adopter n'importe quelle forme, de quoi bouleverser le design et des tableaux de bord. Pardon. Maintenant, dans le fait divers, Windows 10 va supporter les disquettes. Alors que le support des lecteurs de disquettes n'était pas prévu au programme, les développeurs de Windows 10 vont devoir corriger le tir. Une accumulation de plaintes est à l'origine de ce retournement de veste. Le bon vieux lecteur de disquettes ne semble pas mort, c'est en tout cas ce qu'ont constaté les ingénieurs de Microsoft, confrontés depuis la sortie de la Technical Preview de Windows 10 à de très nombreuses plaintes. La suppression du support des lecteurs de disquettes est en cause, un parti pris de la part de l'éditeur qui considérait visiblement à tort que cet outil était complètement obsolète. C'était sans compter sur l'opiniâtreté de quelques utilisateurs et d'entreprises notamment pour lesquels ce support reste important, ceux qui n'ont pas encore fait la conversion parce que ça coûterait très cher de passer à d'autres formes de médias. Devant la fronde, Microsoft a donc promis de le réintégrer dans les prochains builds, donc nous apprennent les gens de chez Ginifo, de quoi rassurer les plus nostalgiques d'entre vous, bien sûr. C'est surprenant à voir, mais en même temps, ça arrive, hein, les compagnies n'ont pas l'argent pour passer à d'autres choses. C'est cher, c'est cher. Les spécialistes des accessoires de luxe Montblanc souhaitent à leur tour s'inviter sur le marché des montres connectées. Mais avec une variante, le cadran classique de la montre restera intact chez Montblanc. Donc, le marché de la montre connectée est encore actuellement peu développé. D'une part, le smartphone remplace peu à peu la montre classique. D'autre part, les adeptes de montres ne troqueraient pour rien au monde leurs rouages et leurs aiguilles. Il n'est pas surprenant que certains s'interrogent sur l'éventuel succès de l'iWatch d'Apple, à l'image de Kim Forrest, vice-président du groupe Fort Pitt Capital. Voilà. Pardon. Donc, Montblanc a pris le parti de rester fidèle à sa production classique de montres, sans pour autant nier en bloc le phénomène de la smartwatch. Quelques jours avant l'ouverture du salon SIHH 2015, rassemblant les professionnels de l'horlogerie à Genève, la société présente l'E-Strap, un bracelet en cuir doté d'une texture de fibre de carbone et d'un écran. La dalle est placée à l'exact opposé du traditionnel cadran. Elle permet de consulter les notifications de son smartphone et dispose d'un accéléromètre. Selon le site blogtowatch.com qui rapporte l'information, il s'agit d'un premier coup d'essai pour la société. Les capteurs des montres connectées classiques ne sont pas tous présents. Dans un premier temps, l'E-Strap sera réservé à la nouvelle collection avant d'être disponible de manière autonome. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com, mais c'est un bracelet avec un petit écran dessus de l'autre côté que de la montre. Intelligence artificielle, les robots aussi peuvent apprendre en regardant des vidéos sur YouTube. Les vertus pédagogiques d'Internet ne sont plus à démontrer. On pense notamment à ces vidéos qui vous apprennent à bien préparer une omelette, à préparer votre plomberie ou à utiliser Photoshop. Des didacticiels bien pratiques qui pourraient aussi profiter aux robots. Comme le rapporte le site VentureBeat, des scientifiques de l'Université du Maryland et du Centre de recherche australien NICTA ont publié une étude dans laquelle ils rendent compte d'une expérience étonnante dont ils présenteront les résultats lors d'une conférence le 29 janvier. Ces chercheurs spécialistes de l'intelligence artificielle ont travaillé sur un réseau de neurones artificiels de type convolutif, un modèle de calcul utilisé notamment par Google et qui s'inspire du fonctionnement du cerveau humain pour traduire des concepts en données qui puissent être comprises et exécutées par une machine. Il s'agissait en l'occurrence, selon VentureBeat, d'identifier à partir de 88 vidéos de cuisine la manière dont une main saisit un outil, de reconnaître les différents outils et leurs spécificités, ainsi que de prédire le geste que va effectuer la main avec cet outil. À partir de là, les scientifiques ont pu générer des commandes exécutables par un robot. Le système qu'ils ont élaboré pour cette expérience consiste en deux modules de reconnaissance visuelle, un pour analyser la façon dont la main saisit l'objet, l'autre destiné à reconnaître ces objets. Ça s'est avéré concluant, puisqu'on a montré, il a montré sa capacité à apprendre en regardant les vidéos. Donc, les chercheurs se félicitent, bien sûr. Ils espèrent désormais pouvoir mettre au point une machine qui pourra apprendre toute seule et accroître son savoir de manière générale et pas uniquement liée à l'appréhension d'outils, donc apprendre les outils en visionnant ces didacticiels sur YouTube ou ailleurs. À l'occasion du KS Communication Congress, un hacker a fait la démonstration d'une technique qui permet de cloner les empreintes digitales à partir de simples photos numériques montrant les doigts de l'individu. Les politiciens et autres personnalités de premier plan vont-ils devoir garder leurs mains dans leurs poches lorsqu'ils s'exprimeront en public? C'est ce qu'on se demande. Starbug, un hacker membre du Chaos Computer Club, le CCC, vient de démontrer qu'il est techniquement possible de copier les empreintes digitales d'une personne en se servant de photos numériques de ses doigts. Lors de la 31e édition de ce congrès qui s'est tenu il y a quelques moments à Hambourg, en Allemagne, il y a quelques semaines, John Chrysler, alias Starbug, a illustré son propos avec un exemple pour le moins impressionnant. Il est parvenu à reproduire l'empreinte digitale du pouce d'Ursula von der Leyen, le ministre de la Défense du gouvernement allemand. Pour ça, il s'est servi de plusieurs photos de presse montrant les doigts de la dirigeante sous divers angles. Pour extraire les empreintes, Starbug a eu recours à un logiciel d'analyse Verifinger qui est distribué gratuitement sur Internet. Ensuite, il a inversé les couleurs de l'image obtenue pour faire ressortir les reliefs. Cette image a été imprimée pour fabriquer un moule négatif qui a été rempli de colle à bois. Lors de sa démonstration diffusée sur YouTube, le hacker s'est servi de ce faux pouce pour tromper le lecteur d'empreintes digitales Touch ID d'un iPhone qui est pourtant réputé pour être assez sécuritaire. Au moment de la sortie de l'iPhone 5S, qui était le premier modèle de la marque à incorporer le lecteur Touch ID, Starbug avait déjà exposé les limites du système, mais à ce moment-là, sa technique reposait sur la collecte d'empreintes à partir d'une surface physique. Désormais, des photos numériques de bonne qualité suffisent. Il serait assez facile pour un pirate ou un service de renseignement de se procurer des images montrant les mains d'une personne politique, d'un entrepreneur ou de toute autre personne exerçant dans un domaine sensible. C'est d'ailleurs pour renforcer les contrôles d'accès que de nombreuses alternatives aux empreintes digitales sont à l'étude. Ça passe par la reconnaissance de battements de cœur, des mouvements oculaires ou encore de l'odeur corporelle. On passe aux jeux vidéo maintenant. L'université va donner des bourses à des joueurs. Une université privée du Kentucky affirme qu'elle fera des jeux vidéo un sport officiel et commencera à offrir des bourses aux joueurs dès l'automne. La décision fera de l'université de Pikeville l'une des quelques écoles aux États-Unis offrant des bourses à ceux qui jouent à League of Legends, un jeu de type arène de bataille en réseau. Selon le nouveau directeur des médias de Pikeville, l'idée est en train de devenir une tendance mondiale. Le jeu exige du talent, de l'entraînement et beaucoup de travail d'équipe, souligne-t-il. M. Parsons dit que l'école est déterminée à offrir différents types de technologies aux étudiants. Il croit aussi que ça générera beaucoup d'attention pour l'institution de petite taille. Pikeville, là, c'est, j'imagine, le but de la chose, c'est de faire parler d'eux. Hein. Pikeville prévoit offrir 20 bourses lorsqu'elle commencera les compétitions à l'automne. Il va s'agir d'un régime qui rassemblera beaucoup à ceux des athlètes. C'est ce qu'a fait valoir M. Parsons. Les étudiants vont devoir avoir une certaine moyenne et seront considérés comme des étudiants athlètes. Il y aura du temps d'entraînement et du temps pour regarder les vidéos pour étudier les autres équipes en vue des prochaines compétitions de jeu. Au moins une autre université, la Robert Morris à Chicago, a fait du jeu un sport officiel et offre des bourses elle aussi. Régulièrement montrer du doigt la violence dans les médias, cinéma, jeux vidéo n'aurait pas de lien direct avec la violence des jeunes. Dirigé par le psychologue Christopher Ferguson et publié dans le Journal of Communication, une étude récente vient mettre à mal l'idée que violence dans les médias et violence des jeunes sont corrélées. Une telle idée est régulièrement avancée pour expliquer les tueries observées aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. Ainsi, la fusillade de Columbine a été perpétrée par deux jeunes amateurs du jeu Doom, quand Anders et Breivik s'est donné à Call of Duty. L'étude menée par Christopher Ferguson revient justement sur ces liens. Et citée par les gens de The Independent, elle conclut notamment sur le fait que violence dans les médias et violence dans la jeunesse ne sont pas corrélées. Portant sur une longue période de 1920 à 2005, l'étude parvient en fait à une conclusion opposée. Son auteur remarque ainsi qu'entre les deux limites choisies, la violence du monde réel a décru quand celle présente dans les médias n'a fait que progresser. Si on peut toujours discuter de ce qu'englobe tel ou tel terme, cette étude ne vient que conforter les précédentes études allant dans le même sens. Cité par VG247, le patron de UK Interactive Entertainment, indiquait d'ailleurs en août 2012 qu'aucune preuve scientifique ne venait appuyer ce lien entre violence des jeux vidéo et violence réelle. Les deux firmes Nintendo et Sharp seraient en passe pour conclure un accord. Pour quelles applications? C'est pour un écran LCD flexible. C'est le Japan Times qui le révèle sur son site internet. Nintendo serait sur le point de conclure un accord avec Sharp pour exploitation de la technologie LCD flexible, selon les informations communiquées par une source du journal japonais. La même source révèle deux applications possibles pour cette technologie. La première, une nouvelle console portable pour succéder à la 3DS, dont les ventes commencent à faiblir. Ou encore un périphérique de surveillance du sommeil, récemment annoncé par la société japonaise visant à améliorer la qualité des nuits de ses futurs utilisateurs et annoncé pour le courant de l'année 2016. Toujours selon la source du quotidien japonais, Nintendo envisagerait de disposer un trou au centre de l'appareil, qu'il s'agisse de la console ou du périphérique mentionné plus haut, semblerait-il, sans que l'on sache vraiment pourquoi. L'hypothèse de la console portable serait ceci dit tout à fait plausible dans la mesure où Satoru Iwata déclarait il y a peu au sujet d'une hypothétique nouvelle machine nomade. Et je cite, « Une simple évolution ne serait pas suffisante. » À noter que Sharp ne lancera pas la production à grande échelle de cette nouvelle technologie avant début 2016, donc il va falloir être patient. Et pour terminer, le palmarès des jeux les plus loués dans les clubs vidéo. Hein? En 10e place, c'est Destiny sur la PS4. En 9e, le même jeu sur la Xbox One. En position numéro 8, Far Cry 4, édition limitée sur la PlayStation 4. Même jeu en 5e place sur la Xbox One. Ensuite, on passe en 7e place, Grand Theft Auto 5 sur la PlayStation 4. On monte à Call of Duty Advanced Warfare en 6e place sur la Xbox One. En 2e place sur la Xbox One aussi. Ah, OK, pardon. C'était en 6e place sur la Xbox 360, en 2e sur la Xbox One et en 1e sur la PlayStation 4. Ensuite, en 4e place, Super Smash Bros. Sur la Wii U, bien sûr. Et en 3e, c'est NHL 15 sur la Xbox One. Voilà, on a fait le tour de tous les jeux en location en ce moment dans les clubs vidéo. On va avoir le temps de prendre une dernière chiptune avant de finir l'émission. Quand même rare qu'on ait le temps de finir avec une dernière chiptune. Donc, on va l'entendre, Kubi avec Restoration. Un nouvel album vient d'être annoncé par lui. Donc, Kubi, K-U-B-B-I. On l'écoute avec son extrait qui se nomme Restoration. Tout de suite, allez voir kubimusic.com/Amber pour en savoir plus. Et on vient pour se dire au revoir au Mathieu Plante Show. Restez là. avec Kobe et Restoration. Encore une fois, KobeMusic.com/Ember, E-M-B-E-R, pour se procurer le nouvel album. Il va sortir le 5 février prochain. Kobe, K-U-B-B. Ça va être tout pour le Mathieu Plante Show pour aujourd'hui. Désolé de vous l'apprendre, mais c'est comme ça, on doit terminer pour une autre édition. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, maintenant en direct les mercredis de 13h à 15h. On rappelle les jeudis de 16h à 18h. Je vous retrouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. Et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès C'est Fou les mercredis entre 15h et 18h. Vous pouvez consulter la programmation complète sur CIF.ca, retrouver les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show et Mathieu Plante, c'est de Mathieu Plante et vous avez été plantés. Bye!